Et où demeure-t-il exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, il demeure exactement. Et vous me demandez, cher cousin, où il demeure exactement. Ben, c'est bien simple, il demeure exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.